À l'occasion du 25e anniversaire de la promotion du général Kim Jong-il au poste de commandant suprême de l'armée populaire de Corée, du 5e anniversaire de la promotion du maréchal Kim Jong-un au poste de commandant suprême de l'armée populaire de Corée, et du 99e anniversaire de naissance de Madame Kim Jong-suk, héroïne anti-japonaise, la maison d'édition Bellingby de Stockholm, de Suède, a publié en brochure l'œuvre classique du dirigeant suprême Kim Jong-un, que tout le parti, toute l'armée et tout le peuple livrent dynamiquement le travail pour le rétablissement des forêts, pour couvrir les monts et plaines de la patrie de la verdure. La cérémonie de parution a eu lieu à la maison d'édition.